Vous allez en Espagne quand ? J'y vais en juillet. Vous allez au bureau comment ? J'y vais en voiture. Vous restez au bureau jusqu'à quelle heure ? J'y reste jusqu'à 20 heures. Vous allez au cinéma avec qui ? J'y vais avec un ami. Vous habitez à Rio depuis combien de temps ? J'y habite depuis un an.